à tous, ravi de vous retrouver après, oulala, au moins... Dis donc, ça fait une paire d'années. Une paire d'années au moins. Comment tu vas, Vincent, depuis tout ce temps? Depuis tout petit, ça va très bien, et plus récemment, ça va. Allez, on va trinquer, c'est vrai. On va trinquer, puisque pour fêter ça, on a pris une petite bière. Une petite croc, pour enregistrer dans la bonne humeur et dans le plaisir. Et aujourd'hui, Vincent, on va s'attaquer à un groupe mythique, un groupe que je crois tu affectionnais particulièrement. Alors, c'est le groupe que j'aime bien. En fait, c'est un groupe que j'aime bien, mais j'aime pas dire que j'aime bien. Tu vois, quand on me dit, t'écoutes quoi ? J'écoute Weezer. Enfin, tu vois, ouais, mais c'était quand j'étais jeune. C'est ton petit plaisir. Un peu comme les gens qui disent, ouais, j'écoute ça, mais en soirée entre potes, quand je suis bourré. Tu vois, c'est un peu ça. Eh bien, aujourd'hui, nous ne sommes pas bourrés et pourtant, nous allons parler de Weezer. Mais je te propose, Vincent, une petite remise en contexte signée Wikipédia, un peu pour vous situer le groupe. Alors, la page Wikipédia. Weezer est un groupe de rock américain originaire de Los Angeles, en Californie. Le groupe est actuellement composé de trois de ses membres fondateurs, le chanteur et guitariste Rivers Cuomo, le batteur, guitariste et choriste Patrick Wilson et le claviériste, guitariste et choriste Brian Bell. Son style est situé entre le rock alternatif et la power pop, et après la signature chez Geffen Records en 1993, ils publient leur premier album éponyme, Weezer. Eh bien, on va commencer avec une des plus belles chansons de Weezer, hein, avec ce petit côté introspectif là qu'on va retrouver tout le temps. Hein. Alors, Rivers Cuomo, le chanteur, il nous invite dans le sous-sol de sa maison. C'est un peu glauque, j'avais pas vu. Ça, ce n'est pas comme ça dans ma tête. Là où il répète tout seul ou avec Weezer ses chansons stupides, hein, c'est lui qui le dit. In the Garage, on s'écoute ça tout de suite. I've got Dungeon Master's Guide. I've got 12-sided die. I've got Kitty Pryde and Nightcrawler too. Waiting there for me, yes I do. I do. I've got posters on the wall. I've got Ace Frehley, I've got Peter Criss, waiting there for me, yes I do, I do. In the garage, I feel safe, no one cares about my ways. In the garage where I belong, no one hears me. Everyone waiting there for me, yes I do, I do. In the garage, I feel safe, no one cares about my way. quand même, le premier album est assez incroyable. Hein. Tu vas pas me contredire, Vincent, je crois que toutes les pas chansons trop, sont géniales. Il n'y a rien acheté, globalement. Alors moi, je trouve que In The Garage sort quand même un petit peu plus du lot. Hein. C'est un peu comme la cerise de la perfection sur le gâteau de l'excellence. Pas mal d'anecdotes sur cette chanson. Hein. D'abord, il faut savoir que le garage dont parle le groupe, ou plutôt le garage, je sais pas si t'as entendu la garage. Chanson. Il dit garage, il bouffe à chaque fois une syllabe. Ce garage, il existe vraiment, il est même en photo dans le livret qui accompagne le CD, et donc aussi sur Google Images, hein, du coup, parce que c'est vrai que le dématérialisé, maintenant, c'est un petit peu la norme, quoi. On entend parler de Donjons et Dragons, de Kiss, de Nightcrawler, il y a plein de références geeks. Il faut savoir qu'en 94, les geeks c'était vraiment des nazes hein, pour l'américain moyen. À part dans Wargames, le mec qui joue aux jeux vidéo dans les années 90, c'est un mec avec des boutons, hein, qui a jamais parlé à une fille, et qui sert à rien dans la société, clairement. Il faut donc avoir de sacrées couilles à l'époque hein, pour trouver... pour revendiquer, être un geek, surtout sur un disque de rock. Cette chanson, elle fait un peu l'effet d'un gros cocon hein, qui nous coupe du monde extérieur, une sorte de refuge, hein, in the garage, chacun a son garage pour lui, son petit endroit où personne ne fait chier, où le monde extérieur n'a aucune emprise. Si vous l'avez pas, en tout cas, je vous souhaite d'en trouver un. Bon, et on va parler un peu de geek rock du coup, hein, puisqu'on est, on est lancé totalement sur le sujet. C'est un peu les inventeurs de ce style qui va être repris par pas mal de groupes, dont... Harry and the Potters, hein. Et vu qu'on est un podcast semi-interactif, moi je vous propose un petit extrait d'Harry and the Potters, un groupe qui, comme vous l'avez deviné, parle d'Harry Potter. Et des Potters. Are you petrified of being petrified? Are we going to have to save the school again? We've got to save Ginny Weasley from the basilisk. Ce qui est triste, c'est que c'est peut-être l'une des plus connues, quoi. c'est quand même trop drôle. Ouais, alors, ouais. Toutes les chansons parlent de Harry Potter. Hein, là, vous avez entendu, on doit sauver Ginny Weasley du basilic. Et c'est vraiment pas mal. Il y a beaucoup de groupes voilà, dans la galaxie qui parlent de... Dans la galaxie et même dans l'univers, qui parlent de sujets geeks. Et c'est très sympa, je vous invite à aller voir sur YouTube. Alors, il est d'usage de dire que les deux premiers albums de Weezer sont les meilleurs. Hein, voilà. On est passé un peu vite sur le premier, on y reviendra. On va surtout attaquer le second album du groupe, et là on en a des choses à dire. Alors là on va faire le tour trois fois carrément. Et on va commencer cet album avec Tired of Sex. C'est parti, on s'écoute ça tout de suite. I'm sorry. Alors, je reviens rapidement sur le morceau, parce que c'est tout frais dans votre tête. Ça ouvre le deuxième album, hein, et il faut voir ça comme un morceau autobiographique du chanteur, parce qu'il raconte comment il passe de groupie en groupie tous les soirs, et qu'il s'est rendu compte que la célébrité qu'il a acquis avec le premier album et ses coups d'un soir, en fait, ça lui apporte rien, tu vois. Au final, au fond de lui, il se sent vide, sentimentalement, socialement. Et alors, c'est très rigolo, parce que vous allez voir une photo de lui sur Rivers Cuomo sur le net, c'est un peu l'anti-rockstar, quoi. Surtout, je sais pas si t'as vu la coupe de cheveux qu'il avait. Il a une espèce de coupe au bol. Mireille Mathieu, c'est la même. Il a des petits pulls, il a des petites lunettes ou soit des t-shirts trois fois trop grands. C'est un gringalet, quoi. Il est pas très très attirant comme ça. Si j'étais gay, ce serait pas trop pour lui. Mon crush, quoi. Et suite à cette période un peu sulfureuse de sa vie, s'est imposé le célibat prolongé, hein, pour réfléchir un petit peu sur sa vie et tout, pour avoir des relations sociales un peu moins superficielles. Et il va tellement cogiter qu'il va écrire un essai, hein, quand il est retourné à Harvard, quand il était étudiant. Il a écrit un essai sur ses réflexions sur le mariage, la solitude et tout. Mais là où c'est intéressant, ça permet de revenir sur cet album, c'est qu'en fait, c'est le morceau, il donne le ton d'un album qui va être un peu plus sombre, plus aride au niveau du son, tu vois, la guitare un petit peu plus sèche et tout. Et pourquoi, du coup, je te pose la question, pourquoi c'est un album plus sombre ? Parce qu'il a fait une dépression. Bah non, c'est parce qu'il avait une jambe plus courte que l'autre. C'est vrai ? bah ouais, c'est évident. Je t'explique, en fait, il est né, le chanteur, il est né avec une jambe plus courte que l'autre. Et après le premier album, ils ont fait une petite pause pour qu'il se fasse opérer. Et quand il était à l'hôpital tout seul, il était déjà tout seul, il était shooté aux antalgiques pour pas avoir mal. Et il était complètement déglingué à l'hôpital. Et il a commencé à écrire et tout, ça s'est ressenti dans son écriture, tu vois. Et du coup, cet album, c'est un petit peu plus sombre que le précédent. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, je sais pas si tu vas le dire plus tard, c'est que c'est basé sur une pièce de théâtre aussi. Bah, Pinkerton, tu vas en parler, nom, toi, ouais, ou pas ? Ouais, je vais en parler. Ouais, donc voilà, très rapidement, c'est basé sur les actes de Pinkerton. Et voilà, voilà, de Madame Butterfly, voilà, donc écoutez cet album, de toute façon on a encore plein de choses à dire sur cet album, et je te propose de continuer d'ailleurs. Tu parles d'une période assez sombre, hein, c'est vrai que Wizard Cuomo, il en a chié, on peut dire. Rivers Cuomo, je me suis perdu dans mes notes. Mais il arrive que dans son malheur, hein, des fans soucieux de sa santé l'aident à surmonter ses problèmes de manière assez inopinée. Encore une chanson autobiographique, elle s'appelle Across the Sea, on s'écoute ça tout de suite. Way across the sea. Alors je sais pas si tu savais Vincent, mais il y a un lien assez étroit entre le titre de l'album Pinkerton et cette chanson. Mais bien sûr que je le sais, j'ai fait mes petites recherches sur Wikipédia moi aussi. Hein. Hey, on avait amorcé ça avant. Across the Sea, ça parle d'une lettre que Rivers Cuomo a reçue en 95 quand il était en dépression avec sa fameuse histoire de jambe. C'est une jeune fan japonaise qui lui posait quelques questions sur sa vie dans la lettre. Il a confié être tombé immédiatement amoureux d'elle, bien qu'il l'ait jamais vue. Et bon, il a aussi dit qu'elle avait sûrement 14 ans et que du coup, il ne pouvait pas la rencontrer parce qu'il aurait été trop déprimé. Mais mine de rien, ça l'a pas mal aidé à surmonter ses démons et il a décidé d'écrire une chanson pour remercier cette jeune fan, d'où ce refrain laconique « I've got your letter, you've got my song » qu'on pourrait traduire Vincent par « J'ai ta lettre, mais tu as ma chanson ». Voilà. Bon, et pour revenir au lien entre la chanson et le titre de l'album Pinkerton, c'est le nom d'un lieutenant américain qui tombe amoureux d'une geisha japonaise dans l'opéra Madame Butterfly, dont on passait juste avant. Coïncidence ? Non, pas du tout, hein, parce que la chanson Across the Sea est elle-même très narrative, comme sont les chansons dans l'opéra. Hein. Tout se recoupe, c'est assez magnifique. Y a plein de références entre l'album et la pièce de théâtre. Déjà le nom du personnage, il y a plein de références au Japon tout au long de l'album. Avec la couverture de l'album. C'est ce parallèle entre l'histoire d'amour impossible, parce qu'il y a trop de distance, et puis impossible et interdit aussi, hein. Parce qu'il y a des différentes raisons dans l'album et dans la pièce de théâtre, voilà. Donc c'est une très bonne chanson, moi j'adore. Partie du triptyque de l'album en fait. Il y a trois chansons à suivre comme ça, donc je pense que tu vas continuer à en parler de toute façon. Bah oui, tout à fait. Et c'est encore à moi. Et bah oui, on reste du coup dans ce thème hein, qui se dessine. Vous le voyez petit à petit au fur et à mesure de l'émission. Ce thème qu'on va appeler Rivers Cuomo est un gros loser sympathique. Pink Triangle. On s'écoute ça tout de suite. encore une histoire d'amour, enfin une histoire d'amour plutôt à sens unique, comme je pense d'ailleurs qu'il en est déjà arrivé à certains ou à certaines d'entre vous. Rivers Calimero Cuomo est tombé fou amoureux d'une fille à qui il n'avait jamais parlé. Mais quand je dis fou amoureux, c'était vraiment... Il y avait Dieu que pour elle, quoi. Jusqu'au jour où il s'est rendu compte qu'en fait, la fille en question était lesbienne et pas du tout intéressée par les garçons. Alors dans la chanson, il s'en rend compte en voyant le triangle rose qui était sur sa manche, le fameux triangle rose, Pink Triangle, un symbole gay bien connu. Le saviez-vous ? Pendant le régime nazi, les gays étaient déportés dans les camps de concentration au même titre que les juifs ou les tziganes, et à l'instar de l'étoile jaune pour les juifs, ils portaient un petit triangle rose pour les différencier des autres déportés. Alors ce symbole, au départ honteux, hein, pour les nazis c'était honteux de porter un triangle rose, il a été repris par les gays et voilà un symbole positif de la culture LGBT. Rien à voir, mais en 96, une radio américaine avait organisé un concours entre plusieurs lycées. Le lycée gagnant, un établissement de Seattle en l'occurrence, a eu droit à un concert acoustique de Weezer dans une cafétéria. Oh. Et le concert est dispo sur YouTube. Ah, et cool. Il y a une super reprise de Pink Triangle. Je trouvais ça assez sympa comme, ouais, comme sympa. Concept. Ce serait sympa que Johnny vienne jouer à Rennes 2. Je propose de lancer une petite pétition. Allons, B8, Johnny, ce soir. Un dernier truc qui me faisait marrer, dans les commentaires YouTube, un mec a marqué à la place du refrain « I'm dumb, she's a Mexican, I thought they had fan de Juan ». Donc voilà, vous y penserez en écoutant la chanson, ça sonne assez bien. Bon, tu sais qu'on pourrait passer des heures sur cet album, mais bon, au bout d'un moment, il faut clore ce sujet-là. Hein. Exit Pinkerton, faut qu'on avance. Alors très rapidement, on va faire 2-3 mots sur leur album de 2001, The Green Album. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le Green Album, c'est en gros c'est ça. Ah, tout le monde reconnaît, hein, voilà. Oh, c'est la pub pour Axe. Vous allumez WeFM ou n'importe quelle radio, vous avez ça au moins une fois par jour, hein, c'est vrai en plus, surtout l'été. Et donc voilà, toi rapidement, tu penses quoi de cet album sorti en 2001 ? J'ai jamais vraiment trop écouté parce que déjà cette chanson-là, je trouve qu'elle sort pas mal des carcans de Weezer et je l'aime pas trop finalement. Et du coup, je me suis jamais pensé sur cet album qui a quand même assez mauvaise réputation. Alors moi, je vais y aller, j'ai fait ma petite chronique, tu vois. Perso, je dirais album pas terrible. Tu vois ? Ah, non, album de gros feignant. Non mais voilà, globalement c'est pas nul, mais en fait c'est mou, c'est plat, y a aucun risque. Je trouve que c'est un album facile en fait. J'ai l'impression qu'ils sont pas foulés, ça fait même pas 30 minutes, la seconde moitié de l'album c'est mou, on n'avance pas du tout. Bref voilà, je trouvais ça assez nul. Et juste, pourtant, ils ont juste fait un truc bon succès je crois avec ouais, H-Pipe mais ça a bien marché, mais justement je disais un truc là-dessus sur la différence entre le deuxième et le troisième album, entre Pinkerton et cet album là et en gros le Pinkerton c'était assez intime, c'est assez lourd et c'est ça qui avait plu au public. Et en fait Rivers, il a complètement renié Pinkerton parce qu'il disait que en fait c'est un peu comme si c'était complètement arraché une soirée, que tu racontais toute ta vie et que le lendemain tu te levais et que tu faisais oh putain merde, quel con, tu vois. Ouais. Pour lui c'est ça Pinkerton. Alors que dans c'est génial. Voilà, alors que dans le Green Album, c'est complètement lisse, tu vois, il raconte pas sa vie et ça a complètement déplu aux fans, tu vois. Donc les fans ont fait leur choix entre Pinkerton et cet album. Nous en arrivons à 2002 avec l'album Maladroit, enfin je veux dire en anglais. Maladroit. On en parlera un peu plus après avoir écouté Burnt Jump. C'est parti. I'm donc Maladroit, hein, le quatrième album de Weezer. D'aucuns diront d'ailleurs que c'est à partir de cet album et celui d'avant que ça commence un petit peu à baisser en qualité, hein, pour Weezer. Alors je suis mauvaise langue, mais en fait, bon, cet album, quand tu prends de certains morceaux indépendamment, il y a des très bons morceaux, mais après quand tu regardes globalement, t'as plus l'espèce de trait de génie qu'il y avait dans les deux premiers, tu vois. Bon voilà, ça reste un album assez sympa à écouter. Mais il y a aussi sur la démarche créative de l'album, c'était vraiment intéressant parce que on est en 2002, là, il y a l'engouement pour tout ce qui est interactif sur Internet, comme ce qu'on fait maintenant, tu vois, avec le chat où on répond et tout. En fait, ils avaient mis en place des forums avec lesquels ils étaient en brainstorming avec des fans, et les fans donnaient leur avis sur les choix créatifs, et on pouvait voir, en fait, il y avait des clashs sur le forum entre les membres du groupe et la production. Ils ont toujours été très... Ouais, très, très à fond sur ça, il y avait des clashs entre le membre du groupe et les fans qui étaient « Ah putain, non, c'est chiant, ça va. » C'était le premier truc intéressant. Et second truc intéressant, c'est que pendant la création de l'album, quasiment chaque session, chaque fin de session de répétition, ils lâchaient les démos MP3 des morceaux. Et donc si tu grattais un peu, tu pouvais avoir genre 10 démos différentes d'une chanson, tu vois. Et les radios diffusaient les démos avant même que l'album sorte. Quand le label avait appris ça, d'ailleurs, c'était un peu le bordel, parce que le label était pas au courant. Et donc pour en revenir sur le morceau rapidement, je pense que c'est un des morceaux les plus fins de cet album-là, hein, de Maladroit. Et on tombe sur peut-être une dizaine de versions du morceau, et c'est intéressant parce qu'on suit la vie du morceau. Genre au début, il n'y avait pas de paroles, il faisait des dou dou dou dou pendant 2 minutes. Après, ils ont changé le son de la basse, mais ça collait pas. Et puis à un moment, ils ont essayé en rajoutant un deuxième solo à la fin de la chanson, mais ça marchait pas aussi. Tu vois, les paroles, au moment, il y a une version, mais ça, j'ai pas réussi à la trouver, où ils n'avaient pas de paroles, donc ils ont improvisé en lisant les ingrédients d'un paquet de Pringles. Tu vois, ils avaient un paquet de Pringles et ils ont salé dessus. Je connais un mec qui a fait une chronique comme ça une fois dans un podcast. Ouais, voilà, exactement. Et voilà, donc on suit un peu la vie de ces morceaux de cet album, et c'était intéressant, mais maintenant pour retrouver les extraits, putain, il faut se lever tôt. Et je vais terminer là-dessus en disant, super anecdote, sur cet album, George Benson. C'est vrai ? George Benson. Give me the night. Non, parce que ce morceau de Weezer, Burn Jump, il ressemble un peu, alors j'irai pas jusqu'à dire que c'est du plagiat, mais ça ressemble tout de même à Breathing de George Benson. Alors je suis allé la creuser l'info, hein, donc tu vas. Donc je vais mettre les deux extraits à côté, du Weezer et du George Benson, et vous allez vous faire votre avis. Ah, c'est un peu pépon quand même, comme on dit. Et voilà pour clore maladroitement sur cet album. Oh, et non, est-ce que c'est pas, tu sais, le genre de chanson qui te reste, ouais, dans le coin de la tête? C'est le plagiat inconscient, tu vois. Et puis au moment, tu dis, tiens, cette progression là, elle est, ouais, pas mal. Et puis tout, ça tu fais tes trucs dans ton coin, et pouf, t'as refait Nevermind de Nirvana. Ouais, voilà, un peu dans cet esprit là. Nevermind de Nirvana, d'ailleurs, c'est tout un album. Donc si t'as refait tout un album dans ton coin, bon courage. Sans transition, Freak Me Out, sorti en 2005 sur l'album Make Believe, ou plutôt Mac Believe, comme dirait Vincent s'il disait Starting. On s'écoute ça tout de suite. Freak me out. Did I hurt you? Are you streets at night. Man, you really freak me out. I'm so afraid of you. And when I lose my cool, I don't know what to do. I know. C'est un peu le passage mou du cul de l'émission, on s'excuse, mais Weezer c'est aussi ça. C'est un peu le passage pas terrible en fait. Moi j'aime bien cette chanson, tu vois. Elle est calme, alors c'est pas la meilleure de Weezer, c'est clair, hein, mais c'est vraiment pas la pire non plus. Oui, c'est vrai. Ouais. Elle est produite par Rick Rubin, alors c'est le mec de Def Jam, un des plus grands producteurs du monde. Et plutôt que vous dire tout ce qu'il a fait, je préfère vous le chanter, ça va plus vite. Maestro, musique. Elle est le Coogi, les Beastie Boys, Randy MC, The Cult, Public Enemy, Slayer, les Red Hot, Johnny Cash, Tom Petty, ICDC, Donovan, Audioslave, System of Down, Metallica, Adele, ZZ Top, Linkin Park, Blast About, Kanye West, Eminem, et bien sûr le meilleur de tous, Jack Bug. Liste non exhaustive. Attends, alors, il y a deux semaines, c'est ça que t'enregistres. J'étais en train de bosser tranquillement sur mon PC et tu m'as cassé les couilles pendant une heure à faire ça. Et c'était pour ça. Ah, mais j'arrivais pas à être dans le bon tempo. Putain, c'est vachement dur à chanter sur du Patrick Sébastien, en fait, on s'en rend pas compte. Alors, je sais pas s'il y a des auditeurs un peu bilingues, hein, mais le vocabulaire de la chanson est assez simple. On entend simplement Rivers nous parler de quelqu'un qui l'effraie. Hein. C'est ça le thème principal. Du genre, je me balade seul la nuit et je tombe sur un seul type. Et vu que je suis musclé un peu comme une serpillière, et bah, j'ai un peu la trouille. Sauf que cet homme en question, hein, dont on ignore l'identité pendant toute la chanson, celui qui effraie tellement Rivers, bah en fait, d'après une interview du groupe, en fait ça part d'une araignée tout simplement. Voilà. C'est la seule anecdote que j'ai sur cette chanson, mais ça faisait bien marrer. C'est triste, t'aurais pu prendre une mauvaise chanson avec plus d'anecdotes quand même. Ouais, mais pas de mauvaise chanson pour nos auditeurs. Bon, on termine avec Make Believe, on arrive en 2008 avec l'album rouge, hein, The Red Album. C'est devenu un gimmick du groupe de jouer sur la couleur d'album, bleu, vert, rouge, blanc plus tard. Alors un album, le Red Album, il y a un album qui est pas ouf, hein, faut se l'avouer. C'est, en fait, là, ça fait, on est encore dans le ventre mou de la Ligue 1. Je crois que on est encore dans le ventre mou de Weezer, hein, de leur carrière. Mais il y a quand même une petite pépite, hein, un morceau qui part dans tous les sens, et j'ai écrit sur ma feuille tous les U là, tous les sens, et on s'écoute tout de suite The Greatest Man That Ever Lived. On s'écoute ça tout de suite. Follow the star. Alors, j'avais prévenu que ça partait dans tous les sens. Hein. Il y a beaucoup de choses à dire sur le morceau, mais je vais te dire vite fait ce que je pense de l'album. Tu l'as écouté, toi, l'album rouge ? Non, à part celle-là, pas. Celle qui est la plus connue. Sur Weezer, où t'as écouté que deux albums sur 11, en fait. C'est ça ? Plus ou moins. Ouais, voilà. Donc, c'est un album qui revient après un petit temps de pause. Hein, et pour moi, c'est un album qui est assez moyen. En fait, il tente des trucs, par exemple Pork and Beans. Mais en fait, tout l'intérêt. Ah, si, mais je l'aime bien celle-là, moi. Bah ouais, mais tout le l'intérêt. Le clip, il est super cool. Bah voilà, tout l'intérêt de Pork and Beans, c'est le clip. Après, non, la le chanson. Riff de guitare, il est marrant. Ouais, bon, ouais. Après, t'as des passages, voilà, ils essaient de faire un petit peu sans... avec des émotions et tout, c'est un peu trop mièvre, hein, le morceau Dreaming, par exemple. Soit ça se veut un peu nerveux, agressif, mais en fait, ça l'est pas assez. Hein. Il y a Everybody Gets Dangerous. Voilà, j'ai pas les extraits, mais vous irez écouter si vous voulez. Mais. Je trouve que musicalement c'est quand même assez bien foutu et je trouve que par contre au niveau des paroles, des lyrics, tu vois, je trouve qu'ils sont un peu à côté sur cet album. Bon bref, parce qu'il y a un mail, hein, donc je remercie cet album, voilà, je remercie cet album pour nous avoir fait écouter ce morceau-là, hein, The Greatest Man That Ever Lived, parce que c'est clair, en fait, soit les fans adorent, soit ils détestent, et moi j'aime bien, parce que voilà, je trouve qu'il y a du génie dans ce morceau, tu vois, on va un petit peu le disséquer, mais déjà le chanteur disait que ce morceau c'est le plus ambitieux qu'il ait jamais composé et écrit, tu vois. Alors le morceau en fait c'est une succession de collages de 20 à 30 secondes, je sais pas si t'avais un truc comme ça toi, tu voulais parler d'un truc comme ça. C'est juste qu'il y a une chaîne qui s'appelle 10 Second Song, une chaîne YouTube, où le mec en fait, comme Weezer, il découpe une chanson dans plein de styles différents et à chaque fois il passe, sauf que le mec imite en plus la voix des gens et c'est super bien foutu. 10 Second Song, si vous connaissez pas, ça vaut vraiment le détour. Et donc ce morceau c'est une succession de collages de 20 à 30 secondes avec des inspirations musicales complètement différentes. Alors j'ai quelques extraits si tu veux bien. Alors au début on a un passage rap un peu dégueulasse, ça faut l'oublier parce que c'est un peu nul, mais voilà, on retrouve par exemple des riffs à la Slipknot, tu vois. Un peu nerveux, tu vois, un petit peu saccadé, tu vois, ça c'est typique du métal, de ce genre de métal. Après, on a aussi un petit passage, par exemple, à la Jeff Buckley, avec des envolées un peu de voix, une guitare sèche, comme ça. Ouais, Un peu branlette sur la plage. Un petit peu. Après, on a aussi des passages en chorale. Il y a aussi un passage à la Aerosmith que je trouve assez bien foutu. Il est tu bien, vois. Ouais, celui-là. T'as envie que toute la chanson soit comme ça, je trouve. Voilà, on trouve aussi par exemple des passages de chorale, il y a du Nirvana, il y a une espèce de slam ou de spoken word, je sais pas trop comment on dit en français, à la Elvis Presley, il y a aussi un passage à la Green Day qui est plutôt bien foutu aussi. Ah ouais, là, clairement. Ah bah ouais. Voilà, ça va chercher dans le classique aussi, avec du Beethoven, du Bach. Alors là, il y a du Beethoven, par exemple. Enfin voilà, on trouve plein... En fait, c'est un morceau qui, quand on l'écoute pour la première fois, on est un peu dérouté, on se dit « Ah, c'est nul !» En fait, quand on creuse un petit peu, il y a plein de choses intéressantes, voilà, et quand t'écoutes ça dans l'album, ça accroche bien l'oreille. Juste on continue la chronologie, parce que j'ai tous les albums hein, si tu veux, avant de passer à mon prochain ouais, morceau, parce que ça va être encore à moi. On continue la chronologie. Alors après l'album rouge, en 2009, on a eu Ratitude. Avec alors, un chien qui saute. Voilà, déjà la couverture en Dijon, quoi. Tu l'as écouté ou pas? Ouais, je l'ai écouté, il est pas top. Alors, top. Alors moi je vais te dire ce que j'en pense. Cet album, c'est de la merde. C'est que de la merde. C'est vraiment de la merde, je te jure. Voilà, j'ai c'est écouté. Genre, c'est de la merde, mais ils ont caché la serpille mais en plus. C'est de la merde. Ah, vraiment, voilà. Je pense qu'on a fait le tour de cet album. Mais un an plus tard, après Ratitude, hein, qui était de la merde quand même, il y avait un an plus tard un album qui s'appelle Hurley. Parce que Hurley, bah, c'est le personnage qui est sur la jaquette et en gros plan. C'est vraiment Hurley de Lost. En c'est plus. Hurley de Lost. C'est pour ça que moi, quand j'ai vu ça, en grand fan de Lost, je me suis dit, ah, ça c'est pour moi. Hein. Et on va s'écouter justement. Unspoken tiré de l'album Hurley. C'est parti. Every morning, every day, I'm hoping for a chance to get away. In the evening, every night, I'm dreaming of a chance to make it right. Every chance that I get, I am placing a bet on the sun in the sky. And if you take this away from me, I'll never forgive you, can't you see? Our life will be broken, our hate will again. I can feel those metal chains and the holding back the hope that keeps me sane. I can fight back, yes I can, 'cause I'm strong enough to show you I'm a man. And I hate what you do when your poison seeps through and you're laughing at me. And if you take this away from me, I'll never forgive you, can't you see? Our life will be broken, our hate will be unspoken. Every chance that I get, I'm placing a bet on the sun in the sky as it sets out of sight. And I hate what you do when your poison seeps through and you're laughing at me. And if you take this away from me, can't you see? Our life will be broken. Alors, pour être franc, cet album, comparé à tout ce qu'il y a eu avant, agréable surprise. Tu vois, il y a un petit sursaut créatif, je trouve, sur plusieurs chansons. Après, voilà, c'est pas non plus exceptionnel, mais voilà, il y a un petit quelque chose. C'est un peu genre, tu t'es brouillé avec un gars pendant plusieurs années, et tu le revois et tu fais... Ah, oh, c'était un bon gars au final. C'était pas si méchant. C'était pas si méchant, tu vois. Bon, sauf si il a fait des choses très très mal dans sa vie. Bref. Genre, ouais, par exemple. Mais voilà, ce qui pourrait expliquer sur Saut Créatif, c'est aussi qu'ils ont changé de label. Il y a eu pas mal de soucis avec les labels qu'ils avaient. Ils sont mis à Epitaph cette fois-ci. Ils ont changé, ils n'étaient plus à Geffen Records. Mais voilà, enfin, je suis pas sûr de l'info. Hein. Les gens ne nous écoutent pas pour la véracité des infos, de toute façon. Non, c'est plus pour. Bon, je sais pas, voilà. Il y a plein de petits trucs cool en fait sur cet album. Il y a quelques mélodies symphoniques, ils ont travaillé avec des orchestres. Il y a un featuring de Michael Cera. Ouais, carrément. Voilà. C'est geek ah, c'est même geek. Hein. Alors, il vient poser sa voix sur un morceau. Il joue de la mandoline aussi sur un morceau et ça rend pas trop mal. Il y a aussi un morceau super cool que. Time Flies, c'est un truc un peu folk en mode lo-fi que j'ai trouvé vachement bien. En mode déprime, genre le temps passe vite. Ouais, un petit peu, ouais, c'est un petit peu ça de toute façon. Bon, bah, j'ai beaucoup parlé, de toute façon, j'ai laissé la parole, mais juste avant, là, on va continuer la chronologie avant de terminer. Hein. 2014, il y a eu, après 4 ans d'absence, il y a eu Everything Will Be Alright at the End. Mm-hmm. Et en 2016, il y a eu l'album blanc. Hein, mm-hmm. Alors, je vais pas critiquer, vu que j'ai pas écouté, quasiment pas écouté les deux, donc je vais m'abstenir. Bah, l'album blanc, il est pas mal, avec Back in the USSR. Ouais, voilà. Bon, sauf Obladi Oblada qui Obladi est Oblada est pas terrible, mais moi j'aime bien que la Sedion elle rattrape un peu tout. Ouais, bon, on va voir si quelqu'un va prendre au premier degré tout ce qu'on dit. Bon, voilà, donc il y a eu deux albums entre temps que je n'ai pas trop écouté, et ils sont tellement productifs qu'il y aura justement un nouvel album. Et oui, un nouvel album qui sort le 27 octobre, donc notez bien la date, puisque c'est je sais pas quand l'émission dans va une sortir, semaine mais pile. Là voilà, c'est dans une semaine quand on enregistre, enfin en fait dans. On est le 18, enfin bref. Ouais, ouais. Mexican Fender, on s'écoute ça tout de suite. Shop on Santa Monica and 7th Street. The salesman tried to get my attention to sell me a Mexican Fender. She came to get her 10,000 steps and hang out with her boyfriend. But I was only trying to get to know her, so I took her out to the ocean. It was hot, hot, 100 degrees, but she only went in up to her knees. She didn't want to take off her jeans, cause that would be insane. My summer love, my summer love. Oh, she loves me, she loves me, she loves me not. Oh, she loves me, she loves me, she loves me not. Got a bachelor's degree in physics and a job in computer programming. It's pretty cool for a singer in a band, so I knew we would end up jamming. Later that night we went to a gig and she asked for some advice. What do you do with your hands when you're singing? Do you just hold on to the mic? It was hot, hot, 100 degrees, and the trash overflowed out on the street. The heartbreak DJ stepped to me, but I just couldn't get enough. I'm a summer love. We'll be right back. j'espère que ça vous a réveillé un petit peu. Ouais, ça va. Tu me disais en off, Vincent, que là, on était vraiment dans le rock californien. Enfin, en fait, tu me disais véritablement off que c'était nul, mais du coup, j'en ai déduit que on était vraiment dans le rock californien. Voilà. Alors, c'est clair que ça change des autres albums, hein, surtout des albums du début, mais bon, moi, je trouve que la chanson a une histoire assez sympa, et rien que pour ça, elle devait figurer dans cette émission. Alors, c'est encore une histoire de nana, évidemment, vous commencez à connaître ce bon vieux Rivers. Un jour de 2015, il a envoyé un tweet assez random pour trouver du monde avec qui traîner à Santa Monica, là où il habite. Une fille lui a répondu, et du coup, ils ont traîné ensemble à Hang Around Together. Je pense qu'il l'a bien, il l'a bien kiffé, surtout. Surtout pour écrire une chanson sur elle. Bah oui. Bon, on le connaît, hein. Il en a écrit donc une chanson qui s'appelle Mexican Fender, et il s'est dit, tiens, ce serait marrant d'annoter les paroles sur genius.com avec les messages que la fille et moi, on s'est envoyés. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Genius.com, c'est un site où tu peux annoter en fait les paroles des chansons ligne par ligne. Il y a vraiment une vraie communauté autour de Genius, un peu bizarre, hein, parce qu'il y a des fans qui interprètent les chansons, mais n'importe comment, surtout dans le rap, ils te sortent des interprétations, mais incroyables. Mais quand même, Rivers Cuomo, il a un compte officiel là-dessus, et du coup, il s'amuse souvent à annoter les chansons de Weezer avec des trucs, du coup, officiels. Bref, je vous invite à jeter un coup d'œil sur les paroles de Mexican Fender, où vous avez toutes les annotations de Rivers, et vous trouvez en fait tous les messages perso de la fille et de Rivers, mais il a enlevé le nom de la fille évidemment. Oui, bah oui, il faut quand même un petit peu la protéger parce que... Voilà, on le voit même lui demander s'il peut montrer les messages et tout, donc c'est assez marrant quoi. Ouais. Tu dis ouais, ils s'écrivent et tout, machin, après ils arrêtent de s'écrire pendant 5 ans, et il lui dit « Ah, en fait, j'ai écrit une chanson sur toi, elle sera sur mon nouvel album », elle dit « Ah, c'est trop bien et tout, d'ailleurs, je pensais, machin, est-ce que je peux noter les paroles et tout, est-ce que tu serais d'accord, je pense que ce serait drôle et tout ». Il dit « Ok, mais je flouterai ton nom et tout, même si je sais qu'il y a des petits malins qui vont fortement te retrouver, et il y a des petits malins qui ont retrouvé la fille ouais. !» Et vu qu'on a aucune éthique ici, et ben on va vous balancer son nom, elle s'appelle Katie Goodman, et en plus elle chante dans un groupe qui s'appelle La Serra, dont voici un extrait. Voilà, c'était Katie Goodman, la chanteuse du groupe La Serra, une très très très jolie fille, hein, sûrement la plus belle rousse que vous verrez aujourd'hui, à moins que vous ayez rendez-vous avec Emma Watson dans la soirée, mais ça, je sais pas. Bravo Rivers. C'est la fin de cette émission. Et c'est déjà la fin de cette émission, mon dieu que le temps passe vite. Il nous reste juste un morceau. C'est toi qui conclus, hein, sans d'ailleurs, ouais, je crois. Mais il nous reste juste un morceau, mais bon, bah voilà, on va faire le petit blabla d'usage quand même. Vous pouvez nous retrouver, bien sûr, sur... Facebook. Sur Facebook, mais oui, on est à fond, on n'a pas posté depuis 3 mois, mais on est à fond. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Twitter, même si on sert plutôt du compte Le Comptoir en ce moment, ouais, bah Le Comptoir PDC, mais on a toujours le compte at On S'Écoute Ça, donc on est joignable, vous pouvez nous envoyer des DM, des idées, des messages de félicitations, des critiques, lettres du Japon. On est toujours présent et on est toujours très ravis de vous répondre. On remercie le chat aussi qui s'est un peu dépeuplé là. On remercie Gandalf, hein, toujours de nous avoir prêté sa structure. Sa structure pour, qui marche pour, du tonnerre pour, maintenant. Pour streamer on peut dire, hein, nos émissions. Prochain thème. Prochain thème, on sait pas, prochaine émission, pas, on sait pas, mais vous serez au courant très rapidement. Promis, je mettrai pas 3 mois à préparer 5 anecdotes cette fois-ci. On termine cette émission avec le dernier morceau. On va un petit peu bousiller la chronologie parce qu'on va reboucler vers le premier album. Hein, ouais, l'album. Bouclé, du coup. Et on va remettre ce morceau, on va mettre ce morceau à la fin parce qu'il est un peu plus long que la moyenne. Il fait 8 minutes. Hein, voilà, il s'agit d'Only in Dreams. Hein, ça raconte l'histoire de quelqu'un qui veut être avec la fille de ses rêves, hein, mais qui est trop timide pour ça. Voilà, donc toujours écho au côté geek timide de Rivers Cuomo à ses débuts, avant de devenir le monstre assoiffé de sexe, hein, qu'il est devenu à la fin du premier album. Donc vous allez voir, c'est un morceau un peu particulier avec une ligne de basse qui est assez déroutante. Un petit crescendo de 3 minutes de guitare, basse, batterie à la fin, et un solo assez cool, un des solos dont le groupe est le plus fier apparemment, parce que c'est pas un dégueulis technique, c'est un truc assez simple, assez fin, tu vois. Et donc cette chanson est considérée comme une, selon les critiques, comme une belle anomalie dans leur carrière. Ça fait plaisir d'entendre ça. Et c'est pour ça qu'on va écouter tout de suite Only in Dreams. Non, mais j'avais quand même... Ouais, vas-y. Tu parlais du solo de la chanson. Ouais. C'est quand même un des gros trucs de la chanson. Et vu que c'est la fin de l'émission, on va pas pouvoir en parler après. Mais en fait, tout le solo est calqué sur, au choix, vraiment au choix de l'interprétation, soit une branlette, soit voilà, un acte sexuel. Et en fait, vous allez voir que l'intensité monte au fur et à mesure jusqu'à une explosion finale. J'avais et pas après, ce rapport, tout redescend comme ça. Et c'est vraiment calqué pour ça, parce que c'est une chanson qui parle de la frustration avant tout. J'avais pas vu cette métaphore filée sur le sexe. Bon, bah, on va voir ça tout de suite. On écoute tout de suite Only in Dreams et on se dit au revoir. Au revoir. Salut. Right.